une histoire particulière. Né à la fin du XVIIIe siècle, le journal intime rythme le temps de l'individu. Confidence de jeunes filles, miroir de l'ego ou préoccupations littéraires des écrivains, bilan d'une vie au jour le jour. Souvent commencé à l'adolescence, les circonstances du début de l'écriture sont souvent liées à la colère, crise familiale ou existentielle. Il raconte avant tout une histoire, comme le journal d'Anne Frank, 15 ans, devenu l'un des récits emblématiques de l'occupation jusqu'à l'arrestation et la déportation de sa famille en 1944. Du cahier de quelques feuillets au travail de toute une vie, comme les 16 900 pages du journal d'Amiel, il peut également devenir une œuvre majeure dans la vie d'un écrivain, comme celui d'André Gide. C'est avant tout un exercice secret de l'écriture intime que chacun peut s'approprier à sa guise. Multiplication du tirage par 3 avec 3 jours d'avance sur la date de parution normale, pour le Stern de Hambourg, la découverte du journal intime d'Hitler est avant tout un coup journalistique plutôt juteux. Il s'agit, par les ventes et reventes de droits, de récupérer un investissement de 14 millions de nos francs en recherche et enquête. L'affaire des carnets d'Hitler. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Delphine Lemaire. Première partie, le scoop du siècle. Le 22 avril 1983, le Stern, magazine ouest-allemand dirigé par Henri Nannen, annonce en grande pompe la publication prochaine du scoop le plus phénoménal du XXe siècle, la découverte du journal d'Adolf Hitler. 60 carnets rédigés de la main du dictateur le plus sanguinaire de l'histoire. À l'origine de cette découverte, Gerd Heidemann, reporter vedette du Stern, entend parler des carnets pour la première fois en 1979. Il se met en quête de remonter leurs pistes durant plus d'un an. La publication hebdomadaire de larges extraits des carnets semble aussi essentielle que passionnante. La nuit des longs couteaux, le sort réservé aux Juifs, le voyage de Rudolf Hess pour l'Angleterre, les relations que Hitler entretient avec ses collaborateurs, sa liaison intime avec Eva Braun, constituent autant de chapitres évoqués par le Führer. Mais tout ne se déroulera pas exactement comme prévu. Le Stern était le magazine le plus important d'Europe. C'était une voix politique très importante à l'époque en Allemagne. Michael Zoffert, journaliste au Stern en 1983. Mais en même temps, c'était aussi un magazine qui faisait de l'entertainment, comme on disait à l'époque. Qui était Gerd Heidemann? Gerd Heidemann war schon seit langen Jahren Mitglied der Stern-Redaktion. Depuis longtemps, il faisait partie de la rédaction du Stern. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des recherches, qui aimait beaucoup creuser ces sujets. Le problème, c'est qu'il ne prenait pas assez de distance avec ses sujets d'investigation. C'est un drôle de loustique, Monsieur Heidemann. Nous avons affaire à ce que j'appelle, dans mon langage, des infectés. Michel Meyer, journaliste correspondant en Allemagne en 1983. C'est-à-dire des gens qui ne se départiront jamais d'une certaine influence et tout ce qu'il a fait par la suite découle de cette infection, de cette fascination, de cette passion pour une tranche de l'histoire qui est maudite pour beaucoup de monde. C'est lui qui s'est presque ruiné pour acheter le yacht de Göring et devenir, pour l'occasion, l'amant de Edla Göring, la fille de Göring, pendant 5 ans. En se consacrant à la rénovation de ce bateau, il a également fait la connaissance d'ex-SS, enfin d'ex-anciens, tout un tas de généraux, et il a rencontré un monsieur Stiefel. Stiefel hatte ein richtig gehendes kleines Museum mit Nazis. Le collectionneur Stiefel avait quasiment un musée nazi avec des objets en provenance directe d'Adolf Hitler. Gerhard Klusmeier, journaliste et auteur. Stiefel a dit à Heidemann: j'ai quelque chose de très particulier. Il a ouvert un coffre et en a sorti un carnet qui lui a dit rédigé par Hitler. Il a ajouté: je ne peux pas m'en séparer parce que c'est un prêt qui me vient d'un ami. et il a précisé qu'il existait d'autres carnets. Et Heidemann s'est dit, si j'arrive à me procurer ces carnets, alors je n'aurai plus jamais de soucis d'argent. Les jours du siècle, France Inter, 27 mai 1998, Bernard Brigoulex. Il faut rappeler comment tout ça a commencé. Ça a commencé par ce qu'on a appelé en avril 1945 l'opération Seraglio, qui consistait pour une dizaine d'avions, des Junkers, qui étaient à l'époque un trimoteur de l'armée allemande, très performant pour l'époque, à évacuer de Berlin, qui était déjà quasiment en ruine et en flammes, et sur le point d'être conquis par l'armée rouge, d'évacuer ce qui pouvait encore l'être en matière d'archives, de dignitaires nazis, si on ose accoler ces deux mots, et d'or. Et d'aller cacher tout ça en Allemagne du Sud et notamment en Bavière. Décollage 21 avril 45, sur 10 avions, 9 semble-t-il se sont bel et bien posés, mais un des Junkers manque à l'appel, qui s'est tout simplement écrasé. Il est près de Dresde, donc dans la future RDA, donc une région qui sera très vite occupée par les Russes. Les paysans du coin se sont précipités pour piller tout ce qui pouvait encore l'être, tout ce qui résistait à l'incendie, y compris d'ailleurs les soldats SS qui sont arrivés très vite encore. Et parmi ces objets, il y avait une cassette marquée avec un sceau « propriété personnelle du Führer ». Et c'est dans cette cassette qu'il y aurait eu ces fameux documents, ces fameux carnets qui auraient donc résisté au crash, au feu, une sorte de boîte noire de l'histoire du nazisme. Heidemann a fait très attention, il a géré ça de façon très isolée. Pour accréditer quoi? Pour accréditer le fait qu'effectivement, il y avait eu un crash dans une zone qui est l'ex-Allemagne de l'Est, et très habilement, il avait fait en sorte d'approcher la Stasi, c'est-à-dire les services spéciaux est-allemands, pour s'approcher avec une délégation est-allemande de l'endroit où le crash avait eu lieu, et il a utilisé en quelque sorte cet élément comme un facteur de crédibilité. Heidemann a pu chercher les tombes du pilote et d'autres personnes qui étaient à bord. Et ça, pour Heidemann, c'était vraiment la preuve que les carnets existaient. Heidemann, évidemment, avait pris contact avec la personne qui avait en sa possession les carnets, un homme qui s'appelle Konrad Fischer. Il a rassemblé 200 000 marques, il a fourré ça dans un sac en plastique. Heidemann est donc parti avec son sac en plastique à Stuttgart pour rencontrer Monsieur Fischer. Konrad Fischer, un antiquaire un peu spécial qui a à Stuttgart une petite boutique dont le rideau de fer est presque toujours fermé, et qui s'appelle Militaria, ça dit tout. C'est un antiquaire spécialisé dans les souvenirs de guerre, et c'est un antiquaire qui se fait fort de fournir aux amateurs à peu près n'importe quel type de souvenir nazi. Heidemann en a parlé avec son supérieur, donc Thomas Walde, et Heidemann et Walde ont décidé d'aller voir directement l'éditeur du Stern. Et l'éditeur a dit, c'est tellement extraordinaire, on ne va rien dire à la rédaction. Et là, ça a été le feu vert pour Heidemann. Janvier 1981, première rencontre entre Gerd Heidemann et Konrad Fischer. Ce dernier a expliqué que son frère, résident en RDA, l'Allemagne de l'Est de l'époque, était en possession de 27 carnets provenant du crash de l'opération Seraglio. L'éditeur du Stern a finalement consenti à Fischer la somme de 3 millions de Deutschmark. Celui-ci a prévenu, l'acheminement des carnets de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest peut comporter des risques. Au bout d'un an et demi, Fischer annonce à Heidemann que 32 carnets supplémentaires ont été retrouvés, ce qui porte leur nombre total à 60. La livraison secrète se fait au rythme de 2 carnets par mois entre 1981 et 1983. L'éditeur, avec Heidemann et Walde, avait conclu des accords qui leur garantissaient une participation en cas de succès commercial. Mais ce qui était encore pire, c'est qu'on leur a assuré que eux et eux seuls, Heidemann et Walde, auraient le droit de juger de ce qu'il y avait dedans, donc de les lire, de les ouvrir, etc. Aucun historien, personne n'était censé regarder ce qu'il y avait dedans. Et c'est assez extraordinaire parce qu'à chaque fois, Heidemann a reçu l'argent en espèces. Lui, bien sûr, il disait « je le donne à la personne qui me remet les carnets ». L'éditeur du Stern a finalement déboursé 9,3 millions de Deutschmark pour ses carnets aux révélations étonnantes. À leur lecture, il semble par exemple qu'une partie du processus d'exclusion et d'extermination des Juifs échappait à Adolf Hitler. De quoi être sceptique ? Qu'importe. Avant d'entamer la publication, l'éditeur a contacté des experts en graphologie et l'historien britannique Hugh Trevor Roper, spécialiste du Troisième Reich. Par prudence, ne leur sont fournies que quelques photocopies de pages des carnets. Trevor Roper est un personnage étonnant parce qu'il a commencé à étudier les affaires du Troisième Reich pour le compte de l'Intelligence Service. Bernard Brigoulex. C'est un ancien agent secret, donc c'est quelqu'un a priori à qui on ne l'a fait pas. Et ce n'est pas un Allemand en plus, c'est un spécialiste anglais du sujet. Ça valorise, c'est vrai, beaucoup la chose. Trevor Roper, je crois que les 60 carnets l'ont impressionné. Il faut dire aussi qu'ils sont écrits, ces carnets, dans l'écriture allemande ancienne, et je crois qu'ils n'étaient pas capables de lire ce qui était écrit. Et puis, il était vraiment convaincu d'avoir un matériel historiquement très, très riche entre les mains. Alors, entre-temps, oui, la rédaction avait été mise au courant et on parlait avec vraiment des frémissements et des trémolos dans la voix, tellement ça avait l'air d'être une aventure extraordinaire. Pour nous, il était évident, si le Stern publie quelque chose comme cela, alors ça aura été vérifié. Le journal de 20 heures, Antenne 2, 24 avril 1983. Et la première question que l'on se pose, bien sûr, Michel Meyer, est celle de l'authenticité des documents. Comment les responsables du magazine Stern, qui sont des gens sérieux, comment peuvent-ils en faire la preuve ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a une relative unanimité de la part des experts et des historiens, surtout les Allemands, pour contester précisément l'authenticité de ce journal, de ces mémoires d'Hitler. Comment s'est passée la conférence de presse organisée par le Stern pour présenter ces carnets à la presse internationale le 25 avril 1983 ? Je n'ai pas été à la conférence de presse, j'ai envoyé mon équipe. Il y avait 200 journalistes et 160 équipes de télé. Donc, on sait ce qui s'est passé. C'était une bérésina pour l'équipe du Stern. Cette conférence de presse était censée être un événement, enfin vraiment quelque chose d'un peu prestigieux, mais ça a très très vite dérapé. Il y avait comme témoin clé de la véracité des écrits Trevor Roper. Tout à coup, il dit, mais finalement j'ai des doutes et je ne suis pas sûr que ces carnets soient des vrais. A lady from Stern came to me. Hugh Trevor Roper. And offered me a large sum of money. Une dame de chez Stern est venue me voir et m'a offert une importante somme d'argent pour revenir à Hambourg afin de réaffirmer que les documents étaient authentiques, ce que j'ai refusé de faire. Le journal de 20 heures, Antenne 2, 6 mai 1983. C'est aujourd'hui officiel. Les carnets intimes d'Adolf Hitler sont bien des faux. Le ministre ouest-allemand de l'Intérieur l'a confirmé aujourd'hui. De Bonn, Michel Meyer. Le fameux coup journalistique du Stern n'est donc plus qu'un sordide scandale de presse. La prétendue écriture d'Hitler n'est donc plus que la géniale calligraphie d'un faussaire, d'un ou de plusieurs manipulateurs qui avaient tout de même confondu, il faut le faire, le A gothique d'Adolf avec un H. Plus grave encore, une analyse chimique effectuée dans ce laboratoire a établi que le papier de ces carnets intimes du dictateur ont été fabriqués dans l'après-guerre. Hitler n'écrivait pas. Il avait déjà la maladie de Parkinson. Il était malade, comme c'était pas possible, et disponible seulement le tiers de son temps. Et en plus de cela, Hitler n'utilisait jamais, ni oralement, et alors par écrit, impensable, l'expression ou le vocable Dieu. Il disait le destin. Catastrophe pour le Stern. 9,3 millions de Deutschmark dépensés en pure perte. Le directeur de la publication, Henri Nannon, est furieux. Il veut connaître la vérité et se retourne vers le responsable de ce scoop bidon, Gert Heidemann. Il charge Michael Zoeffert d'interroger le reporter dans la nuit du 6 au 7 mai 1983. Heidemann nous a raconté qu'il s'était mis d'accord pour une rencontre et c'est la Nationale 5 à un certain endroit. Il était prévu donc de se retrouver, qu'une voiture double une autre voiture. Et donc il s'agissait de faire circuler ces deux voitures en parallèle. Il y en a une qui doublait l'autre et puis pendant ce temps-là, jetait par la fenêtre les carnets. Enfin, voilà. Lorsque Heidemann a raconté ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, cette histoire était un mensonge, Heidemann l'a avoué. Nous, on avait tous honte ce soir-là. Mais un homme comme Thomas Walde, son supérieur, qui lui n'était pas aussi proche de toute cette histoire que Heidemann, eh bien, lui aurait dû mettre un peu de distance et de bon sens dans tout cela. Il aurait dû vraiment mettre le frein. Le problème, c'est que ce soit Walde ou Heidemann, les deux étaient persuadés qu'ils allaient devenir millionnaires. Et ça a vraiment, vraiment participé à la destruction d'une partie de leur cerveau. La vérité, c'est le fric. Encore le fric, ils se disent qu'il y a un bon coup à faire en prenant pour des charlots tous les historiens de la Terre. Et ça marche parce que il y a un forcené qui s'appelle Nannen, qui est en querelle permanente avec ses journalistes et ses rédacteurs en chef, qui rêve de planter le Spiegel, son ennemi héréditaire depuis l'après-guerre. Parce que c'est ça l'enjeu. Si on oublie qu'il y a cette guerre entre deux grands magazines, on n'a pas la clé de ce qui a provoqué la faute et la catastrophe, en définitive. Vous pensez que tous ces gens-là étaient complices et qu'ils avaient compris dès le non, début? Non, ils étaient dans une aventure folle, avec ce qu'on oublie souvent chez l'être humain, la cupidité. 9,3 millions de Deutschmark à l'époque, en pure perte, pour acheter les carnets et planter l'opération, en quelque sorte. Depuis 83, on assiste à une agonie lente, à une baisse des tirages irréductible du Stern. Toute notre crédibilité était totalement anéantie. 150 000 exemplaires en moins ont été vendus, mais du jour au lendemain. Une histoire comme celle-là était impardonnable. J'ai reçu un nombre de coups de fil incroyables de gens, de lecteurs qui disaient « Le Stern nous a trahis ». Le rédacteur en chef Félix Schmidt disait « Ah, mais alors peut-être que ce sont des faussaires de l'ex-Allemagne de l'Est qui ont agi et puis nous on s'est fait avoir par l'Allemagne de l'Est pour un peu pour se dédouaner de tout ça. Donc on a dit pourquoi pas la police secrète, etc. » Mais c'est une bêtise immense dès le départ. C'est Konrad Kujau qui a écrit ses carnets. Point barre. Weil wir die Verfolgten sind. remarquable. Que sait-on de Konrad Kujau? Also Konrad Kujau hat nachdem er sehr viele Verbrechen begangen hatte, aber Konrad Kujau, après avoir commis pas mal d'escroqueries, il était voleur, il a attaqué des gens, il en a escroqué. Enfin, c'était vraiment un grand voleur. Eh bien, à partir du début des années 70, il s'est approprié le nom de Konrad Fischer. Il a grandi en RDA, en Allemagne de l'Est, dans une famille très très modeste. Il était très mauvais à l'école. Gerhard Klusmeier, journaliste et auteur. Lorsqu'il avait 20 ans, il faisait partie d'une organisation de jeunesse en RDA. Il a fui en RFA, en Allemagne de l'Ouest, pour échapper à un procès qu'on lui a intenté, parce qu'il avait volé un micro dans le centre de l'organisation de jeunesse où il était hébergé. À partir de 1970, c'est là qu'il a commencé ses activités de faussaire, en fabriquant des manuscrits de personnalités nazies, des certificats de mérite, des ordres écrits. Il a fait des tableaux, quelques peintures à l'huile, mais surtout de nombreuses aquarelles qu'il signait Adolf Hitler. Et puis, il vendait aussi des objets, des chapeaux, des casquettes et des manteaux, qu'il fabriquait lui-même, tout ce qui pouvait intéresser les collectionneurs de l'époque nazie. Il avait quand même un certain talent artistique. Lorsque la vérité a éclaté à propos des carnets, sa première réaction était de fuir, parce qu'il avait reçu beaucoup d'argent. Il est parti en Suisse et en Autriche. Alors on pense qu'il a mis l'argent à l'abri, parce qu'il faut dire qu'on n'a jamais retrouvé cet argent. Et puis d'ailleurs, on a tout retrouvé chez Kujau. Il y a eu évidemment des perquisitions et ça a été saisi. Tout le matériel de falsification a été saisi par la police allemande. Antenne de Midi. Interview de Konrad Kujau. 20 août 1984. Alors, travail de plaisantin ou de faussaire? Les deux, affirme le prisonnier inculpé pour escroquerie. Mais je suis, ajoute-t-il aussi, un passionné d'histoire avec un talent pour l'imitation des écritures. Avant de publier sous le pseudonyme d'Hitler, Kujau fut directeur, avoue-t-il, d'une entreprise de nettoyage en bâtiment. Mais il se considère surtout comme un peintre, un artiste. J'ai d'abord fait une chronologie des jours d'Adolf Hitler. Mes références étaient des livres originaux sur le Troisième Reich. J'ai aussi interrogé des témoins de l'époque sur le caractère d'Eva Braun, par exemple. J'ai pris des notes et intégré ces éléments dans mon texte. Mais d'abord, à la machine à écrire. Et puis je me suis dit que personne n'allait publier un tel travail. C'est là que j'ai eu l'idée d'imiter l'écriture d'Adolf Hitler. Le 4 août 1984, c'est le procès de Heidemann et de Kujau qui s'ouvre. Est-ce que vous avez suivi ce procès ? On m'a fait venir en tant que témoin. Kujau faisait des blagues. Il a vraiment utilisé tout le procès comme une scène de théâtre. Il avait des apartés, il parlait au procureur, il parlait à la police, enfin aux policiers qui étaient présents. Heidemann, pour 27 carnets d'Hitler, m'a proposé 2 millions de Deutschmark. Ce jour-là, il m'a littéralement rendu fou. Ce Heidemann peut vous épuiser avec ses manières complètement idiotes. Il vous déroute, il bouge sans arrêt, et il joue avec les secrets. J'en ai eu soudain assez, je lui ai dit que c'était moi qui avais écrit les carnets. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Allez raconter ça à votre grand-mère. On dit que Heidemann a détourné de l'argent, qu'il n'a pas tout donné parce que le Stern lui confiait et qu'il était censé, avec lequel il était censé payer Konrad Kujau. Heidemann a resté sur ses positions en disant qu'il n'avait pas touché le moindre centime de tous ces millions qui avaient été payés, etc., qu'il avait tout donné à Kouya. On avait trouvé la trace de deux achats immobiliers dans une station balnéaire espagnole, propriété qu'il avait achetée en espèces au propriétaire de ses maisons. C'était encore un moyen supplémentaire de démontrer que Heidemann s'était quand même largement servi au passage. Je n'y crois pas parce que Gerd Heidemann, à chaque remise d'argent à Konrad Kujau, enregistrait tout sur cassette lors des rendez-vous. Et il enregistrait aussi les conversations téléphoniques. Et sur un enregistrement, Heidemann dit « On en est presque à 10 millions versés pour les carnets ». Et là, Konrad Kujau a juste acquiescé. À l'issue de ce procès pour escroquerie, durant lequel Gerd Heidemann et Konrad Kujau n'ont cessé de se renvoyer la balle, se traitant mutuellement de voleurs, le verdict tombe le 8 juillet 1984. Heidemann est condamné à 4 ans et 8 mois de prison, Kujau à 4 ans et 6 mois. Des peines perçues comme clémentes. Les juges les motivent par la responsabilité du Stern du fait de sa grande négligence. Heidemann n'a plus jamais eu de travail, en tout cas pas en tant que journaliste. Il vit toujours dans un petit appartement à Altena. Il vit d'aide sociale. Pour lui, il a fait de la prison, mais à tort. C'était pas normal. Voilà, c'est une histoire qu'il raconte depuis 35 ans et il vit toujours dans le monde de Hitler. Il est perdu. Celui qui s'en sort très très bien, lui, c'est Gerd Schulte-Hillen, qui est donc l'éditeur Gruner et Jahr, alors qu'il a largement participé à la mise en place du scandale. Qu'est devenu Konrad Kujau après sa sortie de prison ? Il est devenu célèbre, c'est devenu une star. Alors il était invité à la télévision, on a même fait des films sur lui. C'est devenu vraiment quelqu'un d'extrêmement célèbre. Il a même sans doute accumulé une petite fortune grâce à cette affaire. En effet, après sa sortie de prison, Konrad Kujau ouvre une galerie de faux, très fréquentée, dans laquelle il vend, tout à fait légalement cette fois, de faux tableaux de peintres célèbres qu'il signe du nom de l'artiste et du sien. Les faux carnets furent finalement une bonne affaire pour le faussaire d'Adolf Hitler. L'affaire des carnets d'Hitler. Traduction, Florence Roucou-Conan. Voix française, Vincent Abouchard. Prise de son, Jean-Michel Bernot et Jean-Guilain Meige. Mixage, Cédric Châtelus. Archivina, Marine Descamps. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Delphine Lemaire. Un documentaire de Philippe Roisès. Demain, à 13h30, ce sera la suite de l'histoire de l'affaire des carnets d'Hitler. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.